Examen 5. Partie 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Première partie de l'enregistrement. Vous êtes sur le service vocal de l'entreprise Chimie Plus. Nous vous remercions de votre appel. Si vous désirez entrer en contact avec le service commercial, tapez 1. Pour contacter le service facturation, tapez 2. Si vous souhaitez parler au service des ressources humaines, tapez 3. Pour tout autre renseignement, tapez 4.